Chapitre 31. Espace profond. Longbeam de la République Aurora 3. Pika Adren s'étira et sentit ses muscles se détendre un petit peu. Elle aurait voulu demander à Joss de lui masser les épaules, mais la 39e émergence ne devait plus tarder à se produire et elle ne voulait pas qu'il se trouve hors du fauteuil de pilote quand cela arriverait. Il leur restait encore quelques minutes, mais il était inutile de prendre un tel risque. Son mari pourrait bien la masser plus tard, pour peu toutefois que plus tard finisse un jour par arriver. Sans trop savoir comment, il s'était retrouvé enrôlé dans l'équipe chargée de gérer toutes les répercussions de la catastrophe du Legacy Run. Et cela lui convenait plutôt bien. Il touchait une prime de risque en plus de réaliser une bonne action. Mais ils étaient censés être en vacances. Elle leur avait réservé un séjour sur Amphar où ils devaient aller se reposer une fois leur mission d'aide à la construction du flambeau stellaire terminée. Mais ce moment était loin derrière eux à présent. Pika avait déjà perdu la compte et elle ignorait si la République accepterait de lui rembourser le montant ou si... Ah ! Elle s'en voulait de s'inquiéter de choses aussi insignifiantes. Joss et elle étaient littéralement en train de sauver la galaxie, là. Ou en tout cas une grosse partie de la galaxie. Mais tout de même, en ce moment précis, elle aurait dû se trouver sur une plage, en tenue légère, en train de siroter une boisson délicieuse, son beau mari étendu à côté d'elle dans le plus simple appareil lui aussi, tous deux occupés à penser à ce qu'ils feraient plus tard, une fois débarrassés de ces tenues légères, avec en tête toutes sortes d'idées inventives pour se faire du bien. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Joss. Il avait l'air excité. Manifestement, il ne regrettait pas la plage. Ce genre de situation le faisait vibrer. En même temps, songea-t-elle, moi aussi. Un couple de bricoleurs freelance, prêts à sauver les territoires de la bordure extérieure, main dans la main et avec panache, plutôt pas mal. Prête, mon chéri, dit-elle en posant les mains sur sa console. Je viens de faire le tour du reste de l'équipe, indiqua Joss. Tout le monde est paré. Peu importe ce qui va apparaître, on saura gérer. Pika acquiesça d'un murmure, arrachant ses pensées d'Amphar pour se concentrer sur la tâche à venir. Manifestement, la République avait trouvé un moyen de prédire où se produiraient les prochaines émergences. Elle avait entendu parler d'une sorte de méga-processeur composé de dizaines de milliers de droïdes reliés à la Force, capables de deviner l'avenir, mais ça devait être des foutaises. En tout cas, ils avaient identifié trois zones comme étant les lieux les plus probables où pourrait débarquer l'enregistreur de données de vol du Legacy Run et avaient monté une équipe pour intercepter ces émergences de manière successive. Des équipes supplémentaires s'occupaient de retrouver de potentiels survivants sur les sites des autres émergences. Il restait possible que des gens soient toujours en vie à bord des modules de passagers, en dépit du temps qui s'était écoulé depuis la catastrophe originelle, et tout était mis en œuvre pour les ramener sains et saufs chez eux. Ces missions étaient évidemment extrêmement importantes, mais retrouver l'enregistreur de données de vol était crucial. Il pourrait apporter des réponses sur les causes de la destruction du vaisseau et aider à éviter que cela se reproduise. Le blocus hyperspatial de la bordure extérieure était toujours en vigueur, et Pika savait que de nombreux mondes en souffraient. Des rumeurs faisaient état d'émeutes de la faim dans les villes gouffres du Tapu, quand bien même la chancelière So avait autorisé le transport d'aide d'urgence. Et bien sûr, la construction du flambeau stellaire s'était finalement achevée, mais l'inauguration et l'ouverture officielle avaient été reportées. Du point de vue de sa fierté professionnelle, cela piquait un peu. Cet endroit allait être merveilleux et aider une foule de gens. Joss et elle avaient travaillé dur sur ce projet à leur petite échelle, et elle avait envie de voir la station opérationnelle en temps et en heure. L'équipe de recherche comprenait quatre longbeams et deux vectors Jedi. Il s'agissait de ses vieux amis Mikkel Soutmani et Teami, ce qui était plutôt logique. Après tout, c'était eux quatre qui avaient imaginé les techniques utilisées dans le système Hetzal pour sauver la lune fruit lors de la catastrophe originelle. Ils avaient depuis peaufiné la méthode et se sentaient désormais prêts à gérer toutes les situations possibles. Pika songea que cette émergence ne serait sans doute qu'un morceau d'épave sans aucun intérêt. Auquel cas, ils le laisseraient passer sans rien faire. Il se trouvait dans une région inhabitée de l'espace, loin de tout ce qui aurait pu se sentir menacé par un fragment de vaisseau. « J'ai fait chauffer le système d'armement, » dit-elle. « Tout le reste est paré également. Les magnégriffes, le carburant sont bloqués et tout le toutim. » « Nickel. Dès qu'on en aura fini ici, il faudra qu'on file aux coordonnées de l'émergence suivante. On aura tout juste le temps de faire le trajet. Tu crois vraiment qu'on pourrait avoir à se battre ?»« J'en doute. Mais tu sais ce qui s'est passé à Eriadou. Quelqu'un d'autre a réussi à prédire une émergence, trois même. On recherche un vaisseau appelé le New Elite, une corvette modifiée. L'amiral Cronara en a parlé au briefing. » On ignore encore à quel point ils sont impliqués, mais il y a une petite chance pour qu'ils se pointent ici aussi. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on doit se battre, on se battra. À titre personnel, Pika avait plutôt prévu de laisser les Jedi s'en charger si une telle situation venait à se présenter. Elle n'avait pas peur de combattre, mais n'était rien de plus qu'une mécanicienne au final. Elle serait plus qu'heureuse de laisser les magiciens de l'espace mener les combats. « La voilà qui arrive », annonça Joss. « Émergence 39 dans 5, 4, 3, 2, 1. » Égrena Belial depuis son poste de surveillance. « La voilà. » « Scanne-la et dis-moi si ça ressemble à l'enregistreur de données de vol », ordonna Lournadi. Debout et bras croisés sur la passerelle de son vaisseau amiral, le Lournadi, elle contemplait la petite flotte que la République avait rassemblée pour leur petite mission. De vrais héros. Hurrah ! Lournadi aimait son vaisseau et c'est pourquoi elle lui avait donné son nom. Quiconque avait un problème avec ça était libre d'en discuter avec elle. Jusqu'à présent, ça ne semblait avoir dérangé personne. Chacun des maîtres tempêtes de Marc Yonro possédait son vaisseau de guerre personnel, qui témoignait du goût de son propriétaire et des possibilités offertes au sein de l'organisation. Travail dur, pille et traque avec cœur, suis les sentiers, et toi aussi, un jour, tu auras peut-être ton propre vaisseau de guerre customisé. L'intérieur du New Elite de Cassav ressemblait à une boîte de nuit miteuse. Le vaisseau de Panetta, l'Elegantia, était magnifique. Ses surfaces recouvertes de cuir velours, son éclairage conçu pour souligner de façon parfaite chaque idée d'aménagement raffiné qu'il avait eue, le Lournadi était unique, mais d'une toute autre manière. Le croiseur était équipé de divers dispositifs et boucliers qui le rendaient quasiment impossible à détecter sur un scan. Régulateur de chaleur, revêtement ablatif, moteur à double étanchéité qui recyclait presque toutes les émissions d'échappement dans les systèmes d'armement et de survie, ainsi que bien d'autres choses encore. Toutes ces modifications spéciales avaient coûté un paquet de crédits, mais avaient rendu le vaisseau mère de sa tempête quasi invisible même pour les senseurs les plus puissants. Généralement, une attaque réalisée par le Lournadi se déroulait ainsi. Le pilote ennemi pensait « Attends. D'où il vient ce vaisse ? » Et ils étaient pulvérisés en un millier de particules. Ici, eh bien cela restait à voir. Le Lournadi disposait de la force de frappe nécessaire pour détruire quatre long beams et une poignée de petits vecteurs maigrelets si elle parvenait à les prendre par surprise sans cesser de bouger. Mais cela signifiait sortir de l'ombre, et ce n'était pas au menu de cette opération. Les maîtres tempêtes étaient pour une fois tombés d'accord lorsqu'il avait fallu voter l'autorisation de cette mission. Les Nihils devaient absolument éviter qu'on les croie liés de près ou de loin aux émergences ou aux Legacy Run. Il y avait deux raisons à cela. Tout d'abord, il y avait évidemment le fiasco monumental de Cassav au-dessus d'Eriadou. Sa tentative stupide d'extorquer cette planète, une tentative qui, en plus d'avoir extrêmement mal tourné, était de toute évidence mue par la volonté du Wiki de garder la totalité des bénéfices pour lui-même, avait braqué un projecteur plutôt malvenu sur les Nihils. Les Eriaduan avaient diffusé le nom de cet idiot et les caractéristiques de son vaisseau sur tout l'Holonet. Même s'il n'y avait pas de lien direct avec les Nihils, cela contribuait à réchauffer la piste. Et après cette débâcle, Cassav avait eu le culot de revenir en rampant jusqu'au Grand Hall. Il avait offert les 30 millions de crédits qu'ils prétendaient avoir obtenus à cette occasion en échange de leur protection. Panetta et Lournadi avaient été d'avis de se débarrasser de Cassave sur le champ, de le jeter hors du hall à la manière forte. Mais Marchionneau avait voté pour qu'il reste avec eux, pour lui donner une chance de réparer ses dégâts. Il avait dit quelque chose sur le fait que son expérience pouvait leur être utile, vu que c'était un vieux de la vieille et que sa tempête lui était extrêmement fidèle. Peut-être que ce n'était pas le moment de créer du désordre dans les troupes. Et puis, de toute façon, comme Cassave n'avait pas eu le droit de voter, tout s'était résumé aux voix de Pan et de Lourna contre les deux de Marchionne. Or, comme la tradition chez les Nihil voulait qu'en cas d'égalité le choix de l'œil l'emporte, Cassave était toujours des leurs. La seconde raison qui faisait que cette mission était aussi importante tenait à quelque chose que Marchionneau avait appris auprès d'un de ses espions républicains. La conseillère principale de ce vantard de sénateur de la bordure extérieure, Nour, qu'on entendait constamment déblatérer sur l'Olonnette. Selon l'espion, l'enquête de la République avait mis à jour des indices plutôt sérieux, laissant entendre que la destruction du Lega Siren aurait été causée par la présence dans son hypervoie d'un vaisseau des Nihil, lui-même en transit le long d'un sentier. Marchionne avait recoupé plusieurs données, et cela semblait plausible. Le genre de surprise dont on se passerait bien. Et maintenant, la République avait fabriqué une sorte de super-droïde capable d'effectuer des analyses hyperspatiales de haut niveau. Ça leur fournissait le moment et le lieu exact de toutes les prochaines émergences, y compris celles où l'enregistreur de données de vol du Legacy Run pourrait se trouver. Si les enquêteurs de la République mettaient la main dessus, ils pourraient probablement en tirer la preuve définitive que les Nihil étaient responsables de tout. Pas seulement du travail bâclé de Cassave à Eriadou, même si on pouvait argumenter que la catastrophe aurait eu lieu avec ou sans lui, mais aussi de tous les morts de Hetzal, ceux d'Abdalis et tout le reste. Des Jedi avaient péri à Hetzal. S'ils apprenaient que les Nihil étaient fautifs, eh bien, Marchionneau semblait assez méfiant vis-à-vis de l'ordre, et Lournadi n'aimait pas trop non plus l'idée qu'ils se mettent à les traquer. L'organisation entière des Nihil pourrait être menacée. Il ne fallait pas laisser la République trouver cet enregistreur de données de vol. Il devait le détruire. Et il n'y avait qu'un seul maître tempête vraiment à même d'effectuer cette mission. Lournadi et sa corvette de combat furtive. Voilà pourquoi elle se retrouvait là, tapie dans le système où Marchionneau l'avait envoyée via un de ses sentiers, restant cachée en attendant de savoir si cette émergence deviendrait une cible ou si elle devait passer directement au site suivant sur la liste de l'œil. « Ce n'est pas l'enregistreur », décréta Bélial, ses yeux fixés sur ses écrans. Le Dévaronien n'était qu'un nuage, pas encore un orage. Mais Lournadi avait dans l'idée qu'il ne tarderait pas à prendre du galon. Le gars était intelligent, compétent. Calme dans les situations de crise, sans émotion. Les gens de cette trempe s'intégraient parfaitement dans son organisation. « Ça ressemble à l'un des compartiments passagers. »« Yerk !» dit l'un de ses lieutenants, un humain appelé Ataman. « Vous croyez qu'ils sont encore vivants là-dedans? Ça doit faire des semaines qu'ils voyagent à travers l'hyperespace. » Lournadi ne répondit pas. Elle regarda les petits éclats lumineux au loin, signe que l'équipe de la République passait à l'action. Un acte héroïque qui mènerait certainement à un sauvetage héroïque. Elle faillit donner l'ordre de tirer. Elle en brûlait d'envie. Une salve de missiles pourrait suffire à abattre les 6 vaisseaux, ainsi que le compartiment passager du Legacy Run, et le tout arriverait si vite qu'ils n'auraient même pas le temps de réaliser qu'ils étaient morts. Mais bien que l'idée soit plaisante en soi, il y avait des risques pour que ça tourne mal, et ils avaient déjà bien assez de problèmes comme ça. Marchionne avait été extrêmement clair, au point que ça avait presque ressemblé à un ordre. « Ne les laisse pas découvrir que tu es là, à moins que ce ne soit nécessaire. Si ce n'est pas l'enregistreur de données qui se pointe, tu te contentes de passer à la suite », avait-il dit. Elle allait devoir le remettre à sa place, un de ces quatre. Il y avait une hiérarchie à respecter. Honnêtement, elle aurait préféré le retirer totalement du jeu. Et si une telle opportunité ne se présentait pas, elle finirait simplement par s'attaquer à Kassav et à Panetta. Elle prendrait certainement le risque. Vainqueur ou perdante, elle doutait que Marchionne lui en veuille. C'était la façon de faire des Nils. Plus tard, peut-être. Une fois que toute l'excitation autour de la catastrophe du Legacy Run serait retombée. « Entrez les coordonnées et fichons camp d'ici !» ordonna l'Ournadi. Marchionne Rowe leur avait fourni des sentiers pour l'ensemble de l'opération, des routes à travers l'hyperespace qui leur assuraient de se rendre à l'emplacement suivant bien plus vite que l'équipe de la République. Et s'il advenait que cette émergence-là contienne l'enregistreur de données de vol, eh bien... peut-être qu'elle allait quand même pouvoir tuer quelqu'un aujourd'hui. On y est. Jaillit la voix de Joss Adren dans la com. Les scans confirment que cette 40e émergence correspond à la portion de passerelle où était encastré l'enregistreur de données de vol du Legacy Run. Bon sang. J'ignore comment le mégadroïde de la République a pu le déduire, mais ils ont vu juste. Tout le monde en position. On a un long beam en moins, mais on s'y est préparé. On procède au plan d'extraction numéro 4. Étant donné la trajectoire du fragment, je pense que c'est ce qui sera le plus efficace. Vous savez ce que vous avez à faire, alors gardez votre sang-froid et faites-le. Mikkel Soutmani poussa les leviers de commande et son Vector bondit en avant. Il sentit Théami faire de même du côté de son aile tribord, quelque part hors de portée. Il voyait les trois longbeams restant droit devant lui en train de rejoindre leur position. Le quatrième longbeam de leur équipe était resté en arrière sur le site de l'émergence précédente pour porter secours aux survivants du Legacy Run qui se trouvaient à bord du fragment. Les colons traumatisés avaient besoin de soins médicaux et thérapeutiques. Une poignée d'entre eux étaient morts au cours de leur voyage inimaginable et l'horreur de cette expérience serait difficile à digérer. Ils allaient être conduits au Panacea, déplacés de l'endroit où ils se trouvaient au-dessus de Hetzal, à un point de collecte près du flambeau stellaire. À bord, ils pourraient y retrouver d'autres survivants et être pris en charge par un personnel désormais bien formé à ce genre de problème. La situation était terrible, mais au moins étaient-ils vivants et ne fonçaient plus sans but à travers l'espace avec pour seul horizon une mort lente et atroce. Mikkel chassa les survivants de son esprit et se concentra sur la tâche qui l'attendait. Leur rôle ici était plus ou moins le même qu'au-dessus de Hetzal au moment de la catastrophe originelle. Utiliser la force pour ralentir le morceau de superstructure du Legacy Run, tandis que les longbeams s'y accrochaient avec leurs magnégriffes et rembobinaient. Le fragment se déplaçait toujours à une vitesse incroyable, mais ils avaient tous déjà effectué la manœuvre plusieurs fois. Ce qui, à l'origine, leur avait semblé quasi impossible, était à présent, eh bien, pas exactement de l'ordre de la routine, mais faisable. On met le paquet pour celui-là? Ok, Théami? Dit Mikkel en passant sur le canal com limité aux Jedi. Il entendit son traducteur convertir ses paroles de littorien au basique pour qu'elle puisse comprendre. Le capitaine de la République est confiant, ajouta-t-il. Mais on a un long beam en moins que prévu. Ça pourrait être un peu plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Entendu, répondit Théami. Leurs vaisseaux plongèrent en direction du fragment qui filait à travers l'espace, selon le même angle et la même vitesse, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je me demandais, Théami, reprit Mikkel. Après l'épisode d'Eriadou, il semble clair que la République et les Jedi vont travailler ensemble pour traquer ce fameux Kassav. J'envisageais de me porter volontaire pour cette mission. Ça me semble un bon moyen de mettre mes compétences au service du bien commun. Je me disais que tu pourrais faire pareil. On forme une bonne équipe tous les deux, c'est clair. Et tu es une Jedi remarquable. Je serais fier de t'avoir pour partenaire. « Waouh, Mikkel !» répondit Théami amusé. « Je crois que je ne t'ai jamais entendu parler aussi longtemps. Aurais-tu oublié tes vœux? Nous autres Jedi devons éviter toute forme d'attachement. »« Je ne suis pas attaché. Je pense juste qu'on pourrait faire du bon boulot, toi et moi. Apporter un peu de lumière à la galaxie. Nos talents se complètent bien. »« Je crois que je vais devoir te signaler au conseil. » « Fais ce qui te semble approprié », rétorqua-t-il d'un ton sec que le traducteur transmit parfaitement. Théami s'esclaffa. « Je te taquine, Mikkel. Je serais très heureuse d'être ta partenaire pour une mission. Si le conseil est d'accord, on se lance dans la traque et on fouille chaque recoin de la galaxie à la recherche de... » L'écran du détecteur de menaces s'alluma. Des missiles venus de nulle part, une grosse salve, au moins une douzaine, se dirigeaient droit sur le fragment de l'enregistreur de vol. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mikkel. « Ils visent le fragment ?» dit Théami. « Ils veulent détruire l'enregistreur de données de vol ?»« Peut-être que c'est de nouveau ce cassave. On dirait qu'on va devoir accomplir cette fameuse mission un peu plus tôt que prévu, maître Théami. »« On dirait en effet... « Maître Soutmani. » Mikkel retira son sabre laser de son étui et l'appuya contre le panneau d'activation de son tableau de bord. L'affichage de son système d'armement se déverrouilla et s'activa dans une lumière verte tandis qu'il se connectait au cristal de la poignée de son sabre. Sur ses écrans, il vit que les longbeams avaient également pris conscience de la menace. Les trois vaisseaux se dispersaient pour rejoindre une position d'où ils pourraient essayer de tirer sur les missiles. Ces systèmes remontèrent la trajectoire des projectiles en quête d'un point d'origine et tombèrent sur... rien. Le vide de l'espace. Avec un tel nombre de missiles, il aurait dû y avoir un bâtiment de guerre de bonne taille, mais rien de tel n'apparaissait sur ses écrans. Il mit la question de côté. L'identité de leur assaillant pouvait attendre. Protéger le fragment, c'était l'urgence première. Mikkel fit feu et les lasers fusèrent des canons de son vector en direction des missiles. À ce moment-là, les long beams avaient commencé à tirer également. Un mixte de mesures offensives et défensives déployées soit pour détruire, soit pour détourner les missiles. Peu importe ce qui fonctionnait, tant qu'aucun des projectiles n'atteignait l'enregistreur de vol. L'un des missiles vira en direction de l'une des mesures défensives. Un nuage de leurres à commande statique émis par un long beam conçu pour offrir une fausse cible attrayante au système de repérage du projectile. Le long beam, qui avait envoyé l'appât, ne recula pas, se tournant déjà vers une autre cible, partant du principe que le missile exploserait automatiquement au contact du leurre. Au lieu de cela, l'arme pénétra dans le nuage instable et tourbillonnant. Mais il n'y eut pas d'explosion. Mikkel devina ce qui allait se passer. Toutefois, il était trop loin pour intervenir. Il n'avait pas le temps. Il se projeta dans la force, mais il n'avait pas le temps. Le missile émergea de l'autre côté du nuage de leurre et percuta de plein fouet la coque du long beam. Cette fois, il y eut bien une explosion. « Blast !» jaillit la voix de Joss Adren dans la com. Personne ne dit plus rien. Les Jedi et les deux derniers long beams se mirent au travail, sans savoir où se trouvait la source des missiles, sans savoir s'ils s'apprêtaient à mourir ou non, se contentant de faire ce qu'ils pouvaient. Sous les yeux de l'Ur-Nadi, une poignée supplémentaire de ces missiles fut détruite ou explosa sans faire de dégâts contre les défenses déployées par les long beams. Elle en avait encore cinq en jeu, cependant, et il suffisait qu'un seul touche sa cible. La victoire n'était plus qu'une question de temps. Il lui restait également de nombreux missiles en réserve, même si elle ne voulait pas déployer une autre salve, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Le Lournadi avait changé de position immédiatement après avoir tiré, mais les équipes de la République savaient qu'elle était dans le coin à présent. Il y avait de grandes chances pour qu'il parvienne immédiatement à repérer la signature du Lournadi si elle devait tirer à nouveau. L'objectif consistait à détruire l'enregistreur et de repartir aussitôt en hyperespace, c'était tout. Toutefois, s'il fallait en arriver là, elle pulvériserait avec plaisir jusqu'au dernier de ses vaisseaux au passage. Avec plaisir. Mikkel fit feu, et le missile qu'il avait visé explosa quelques secondes seulement avant d'atteindre le fragment. Il se laissa retomber dans son fauteuil, un soupir de soulagement s'échappant de chacune de ses bouches. Plus que deux projectiles, mais aucun n'était à portée de ses canons. C'était aux autres de jouer à présent. Il observa le long beam de Joss et Pika Adren projeter ses magnégriffes dont il se montrait toujours si fier, toute une batterie, sans doute la totalité de ce que leur vaisseau avait en réserve, entraînant avec eux des câbles fins interminables, et le missile changea de trajectoire, détourné par la force d'attraction générée par les griffes. Ingénieux. Le missile explosa, et même si les magnégriffes avaient probablement été détruites dans l'opération, il restait encore un long beam capable d'extraire l'enregistreur de données de vol. Il restait possible d'accomplir la mission. Il n'y avait plus qu'un seul missile ennemi, et Théami se dirigeait vers lui selon une trajectoire d'interception. Aucun des long beams, ni Mikkel lui-même, n'était en position pour l'atteindre. Mais Théami pouvait le détruire sans problème. C'était une tireuse exceptionnelle. Et en effet, une salve de feu laser jaillit de l'avant de son vector, qui manqua sa cible mais de peu. Puis un autre missile apparut soudain sur les écrans de Mikkel, qui se dirigeait droit sur Théami. L'ordinateur de visée du Jedi essaya d'en déduire l'emplacement de leur assaillant. Une silhouette vacillante se matérialisa vaguement sur ses écrans, puis disparut. Quel que soit le vaisseau qui leur tirait dessus, il possédait manifestement une sorte de dispositif de dissimulation. Mais ce n'était pas le problème principal à cet instant. Théami, il y a un autre missile. Je ne peux pas... Je le vois, Mikkel. Silence maintenant. J'ai du pain sur la planche. Mikkel Soutmani se contenta donc de regarder, avec le même sentiment d'impuissance que celui ressenti face à la destruction du Long Beam quelques instants plus tôt, mais mille fois plus fort. Théami fit accélérer son vector, s'efforçant à la fois de semer le missile qui la poursuivait et d'arrêter le projectile d'origine avant qu'il ne frappe l'enregistreur de vol. Son vector enchaîna culbute et cabriole, ses canons crachant sans discontinuer, en vain, tandis qu'elle essayait de toucher sa cible et d'échapper à ce qu'il avait pris, elle, en chasse. Mikkel poussa son propre vector en avant, même s'il savait une fois encore qu'il n'avait pas le temps. Il se projeta dans la force, persuadé qu'à travers elle, tout était possible. Persuadé qu'il pouvait atteindre le missile qui poursuivait le vaisseau de Théami pour le faire changer de trajectoire ou exploser. Il percevait la vitesse de l'engin, ses contours, son revêtement métallique, ses gaz d'échappement brûlants qui le propulsaient en avant en direction de sa camarade Jedi. « Je l'ai !» déclara Théami dans la com d'une voix satisfaite, sereine. Mikkel tenait presque le missile. Il le sentait, avait l'impression de l'agripper dans sa main. Il pouvait le détruire. Son allié était la Force, et c'était de ses alliés la plus puissante. Il crispa ses doigts autour du projectile, et soudain il disparut dans une boule de feu brutale. Mais pas de son fait. Il avait disparu, et Théami aussi. Le chagrin le frappa à la manière d'une onde de choc aussi intense que celle qui venait de tuer sa collègue. Mikkel serra les poings, sonda son esprit en quête de calme. Les instruments de visée de son vecteur affichèrent une série de données, le profil complet et l'emplacement du vaisseau qui venait d'assassiner Théami, ainsi que les caractéristiques détaillées de ses armes et de ses systèmes de défense. Ouah, vous avez vu ça, les gars ? Cible acquise. Corvette de combat. L'aide comme un pou. Commenta la voix de Joss Adren. Pas le New Elite. Un autre vaisseau. Maître Soutmani, que diriez-vous qu'on aille lui régler son compte avec votre Vector et mon Long Beam pendant que la capitaine Megal récupère l'enregistreur ? Mikkel ne répondit rien. Il ne se demanda pas d'où venaient ces informations. Et ne se posa aucune autre question, d'ailleurs. Il se contenta de pousser ses leviers de commande au maximum, et les moteurs de son vector répondirent dans un rugissement. « J'ai du pain sur la planche », pensa-t-il. « Blast !» s'exclama Lournadi, montrant plus d'émotion qu'elle n'avait l'habitude de le faire. Le satané Jedi avait abattu son dernier missile avant qu'il ne parvienne à atteindre l'enregistreur de vol. Certes, ce Jedi-là était mort, mais Lourna n'avait toujours pas accompli sa mission et il semblait également qu'elle avait révélé sa position. Un long beam et un vector se dirigeaient droit sur elle. Est-ce qu'on envoie d'autres missiles ? Demanda Ataman. Oui, répondit Lourna. Lancez le reste, tout ce qu'on a. On va tuer ces imbéciles et après on s'occupera du fragment. Le Lourna dit frémit légèrement lorsque l'appoint de ses missiles fut tiré. Une autre demi-douzaine suivie d'une traînée d'émissions qui filèrent vers les deux points de lumière qui grossissaient à mesure qu'il se rapprochait de son croiseur. Le Jedi. Ce maudit Jedi dans son vector maudit en détruisit quatre. Les deux autres se dirigeaient vers le Long Beam, mais l'appareil en abattit un d'un tir laser et détourna le dernier avec une fusée éclairante. C'est... qui ces gars ? Dit Bélial. Il était inquiet. L'Ournadi le percevait. Elle aussi, au demeurant. Le Lournadi n'était pas conçu pour les combats au corps à corps. Il était fait pour frapper depuis l'ombre, abattre sa cible et déguerpir. Il était léger côté armure, léger côté bouclier, et n'était pas très bien fourni en canon laser non plus. Est-ce qu'un long beam et un vector pouvaient vraiment l'emporter sur son vaisseau mère? Rien que ces deux petits appareils à eux seuls? Elle décida qu'elle ne tenait pas à le savoir. Cassav ou même Panetta aurait peut-être essayé, aurait tenu à faire une sorte de baroud d'honneur. Mais elle était plus maligne que ces deux-là. Lorsque les circonstances changeaient, il fallait calculer ses chances, calculer ses options, puis sélectionner le meilleur choix, et ici, il n'y en avait qu'un. « Entrez les coordonnées du sentier et fichons le camp d'ici. On a perdu. »